We'll be right back. Projetez-vous dans le futur. New. Je voudrais terminer avec toi. Je voudrais terminer avec mon musique. De musique et mon groove. Je voudrais rester avec toi. Je suis venu te dire mes sentiments. Ma fiction. Aujourd'hui encore, je suis toujours là. Tu veux sentir son contact. Je pense à toi. Je pense, je t'aime. Aujourd'hui encore, je suis toujours là. Tu veux sentir son contact. Je pense à toi. Je pense. Je t'aime. Avec mon musique, vous l'avez découvert sur Galaxy il y a maintenant quelques semaines. C'est d'ailleurs là-dessus que se referme Electrochic. Dans quelques secondes, Sound System avec Jérémy et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Poupée. Galaxy 95.3. Sound system. Galaxy, 10h13, bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. À l'instant, c'était Energy 52 avec Café Del Mar sur un remix signé des Nalin & Kane. C'est Sound System le samedi à partir de 10h et jusque midi, toutes les semaines en direct avec un maximum de bons sons. Le ping-pong entre la rétro et la nouveauté. De la rétro, on en écoute encore un petit morceau tout de suite avec le groupe Caterpillar, le morceau I Need You sur un remix signé de Mr. Sam. Et juste après, on enchaîne avec la nouveauté. Galaxy. Don't stop music. We'll be right back. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Sound System, excellent morceau sorti sur le label Paradigma Music avec le track Tropicas de Novidad, excellent morceau que je vous diffuse régulièrement dans le cadre des émissions Sound System. Sache que sur le portable, le portail web de l'émission, le soundsystem-mix.fr, se déroule actuellement un concours de mix. Une quinzaine de DJ ont préparé et enregistré un set d'une heure dans tous les styles. Ça s'appelle le Spring Context. Une règle à respecter notamment, c'est l'obligation pour les DJ de faire un ping-pong entre la rétro et la nouveauté. C'est un peu comme le principe de l'émission. Donc à partir de ce week-end, les sets seront mis en ligne sur le portail. Un clic, tu télécharges, tu écoutes et surtout tu votes, c'est ça l'essentiel. Il y aura un petit module de sondage et de vote sur le site à partir de ce week-end où tu pourras voter pour ton mix préféré. Et puis je te tiens au courant dans les prochains jours pour t'indiquer qui est en tête. On continue en musique, 10h24 sur Galaxy. Bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Bon réveil, Sound System. On continue en rétro avec un titre méconnu mais excellent. Ça s'appelle M Experience avec Deep Desire. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. We'll be right back.

sur Galaxy. Music. We'll be right back. music remains on top. Sound System, un titre qui tourne depuis régulièrement quelques semaines sur l'antenne de la radio Deck Riders avec le morceau Just The Way I Like To Go. On continue avec les soirées marquantes pour ce week-end, samedi 26 mai, du côté du Bliss Club, la Malcolm Bay Session, avec en invité forcément Malcolm Bay, accompagné de DJ 6PO, le résident du Bliss. À la bûche, le concept Electroshock avec Frank J pour un concept Jump Electro House Session, avec comme invité Sniper F et Xian. À l'Eden Bar, ça se trouve à Moucron, près du Riscontou, tu peux aller écouter le mix spécial de Michael H que je te conseille très fortement du côté de l'Eden Bar ce soir. À l'Escape Concept, soirée résident avec Dave, Luc, Kevin et Huggy Anton. À l'H2O, concept résident également avec Chris, Johan et Simaï. On termine avec le Pulse Factory, les 4 ans de du concept Rotations Party avec comme invité ce soir de Mystic Force, Tim Davis, Pedro Pecado, David G, accompagné des résidents, Sipi, Michael Forza, Laurent Top et Victor. Toutes les informations, tu les retrouves sur le www.galaxyfm.com. Comme rubrique information soirée. On continue en rétro, rappelle-toi les Size 9 avec le morceau I Am Ready. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people.

souvenir. Sound System, 10h53, flashback sur l'année 1994. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la Goa, du côté de Menin, la petite piste sur le côté, pour ceux qui connaissent, juste à droite du DJ, en face du bar. Quand j'entends ce morceau, ça me rappelle des week-ends de folie à Menin, avec Lizzy, avec les potes du lycée, à jumper comme des gros bourrins sur I Am Ready. Maintenant, c'est finito tout ça pour moi, le samedi soir. C'est le programme, c'est ça, c'est Flunch avec les enfants. Soirée au Macumba, retour chez moi à 22h30, un suppo et dodo. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Sound System, un titre diffusé régulièrement sur l'antenne de Galaxy, un des objectifs intergalactiques de ces débuts d'année. Marcotte Meet The Melodies Maker avec le morceau Torch, une production du label GSR, Great Stuff Recordings. Le remix était signé de Rainer Weschel. De tout à l'heure au cap des 11h, place au rétro zap de la semaine avec une petite compilation de morceaux rétro. Il nous reste 3 minutes, j'ai envie de partir dans du acid style, acid house. Place tout de suite à DJ Seduction avec le morceau DJs Unite. Galaxy, Galaxy. Music for happy people, happy people, happy people. Backbite of the man. Old school is backbite of the man. tick, tick, boom. Ah, c'est bon ça, DJ Seduction avec le DJs Unite. Dans une minute, il sera 11h. Place tout de suite au Retro Zap de la semaine avec une petite compilation de morceaux rétro. Ça dure environ 5 minutes avec 30 secondes par morceau, histoire de parcourir ensemble près de 10 ans de rétro et de souvenirs musicaux. On revient juste après avec un de mes morceaux préférés en ce moment dans mon tiercé gagnant des nouveautés. C'est les Digital K.O. avec le morceau Spaceship. Il est 11h sur Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. There's a new sheriff in town, you know. His name is Mellow Man. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Galaxy. Galaxy Weekend. Galaxy Weekend. A place I know you wanna go. It's a good life. We'll be right back. souvenirs sur Galaxy Sound System 11h16 avec le groupe Inner City et le morceau Good Life. Tout à l'heure, dans moins de 10 minutes, on se découvrira ensemble une excellente production, 14e production du label Primal avec le groupe Lehama & Moore pour le morceau Distance Between Us, remixé par Johnny Wisternoff. Restez connectés parce que franchement, c'est un futur carton ce morceau. Et puis pour l'heure, un morceau qui nous a été demandé au 03 20 83 57 57, c'est John Delbach avec le morceau Blink. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. I love makes you. sur Galaxy. Thank you. Galaxy Sound System. Il y a des morceaux comme ça, on n'aimerait pas qu'ils terminent au fin fond d'un flight case en train de prendre la poussière. C'est bien de les ressortir de temps en temps. Next Generation avec The Wave, sorti en 1994. J'en profite pour faire un tour d'horizon avec toi des principaux événements marquants pour cet après-midi sur Galaxy, avec à partir de 14h Sharkam pour un set rétro, Dust pour son set techno entre 16h et 18h, Silver Sea entre 18h et 19h30, nouveau rendez-vous avec Claude Monet, rendez-vous House Electro entre 19h30 et 20h30. À partir de 20h30, c'est Nico & Co pour l'émission Refresh. Et on termine avec Jérôme B ce soir en démarrage de la ta soirée, Party House à partir de 23h. Tu as rendez-vous demain matin avec Pascal Mancini pour de la music and news, un maximum de bons sons entre 10h et midi. La suite des informations, c'est tout de suite avec Stéphane Laroche pour l'agenda intergalactique. Galaxy. Galaxy. Number one. For news. For news. Adès sort en concert vendredi 8 juin 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Premier groupe français de death metal qui officie depuis 1986 et enchaîne les tournées à travers toute l'Europe. En première partie, le groupe Sub et son métal pur et dur vous ravira. Infoline 0320 75 85 86. Les journées nationales de la Croix-Rouge française sont fixées au 9 et 10 juin prochains. Afin d'obtenir de plus amples informations sur les divers projets et actions de la Croix-Rouge, n'hésitez pas à vous connecter sur le site web www.intra-croix-rouge.asso.fr. Journée porte ouverte dimanche 10 juin à la ferme du Marais de Warlin. Animation pédagogique autour des animaux et de la nature ou encore balade commentée, kermesse et dégustation de produits du terroir. Entrée libre, plus d'infos 03 27 91 40 46 ou sur lafermedumarais.fr. Marianne, dans tous ses états, sera jouée le jeudi 14 juin 14h30 et 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Une fresque historique sur la petite histoire de la 5ème République concoctée par la compagnie Alain et l'autre. Réservation, office de tourisme 189 rue Carnot 03 20 75 85 86. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Best music at the right moment. Galaxy, c'était Stéphane Laroche pour l'agenda intergalactique. Comme prévu, place à la nouveauté avec la 14e production du label Pramile. C'est un de mes coups de cœur en ce moment, coup de cœur de cette semaine, nouveauté avec le groupe Lehama & Moore pour le morceau Distance Between Us, remixé par Johnny Wisternoff. Galaxy, place all the hits, all the time. We'll be right back. découverte cette semaine, production du label Primal avec le groupe Lehama & Moore pour le morceau Distance Between Us. Le remix était signé de Johnny Westernoff. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'anglais, moi je m'intéresse en tout cas aux paroles des chansons. Ce morceau parle d'un couple, un mec qui a des soucis avec sa copine, et puis la distance qui augmente entre eux. Ils se parlent moins, ils se voient moins, mais ça on s'en fiche, l'essentiel c'est que le morceau cartonne et ce sera un des prochains objectifs intergalactiques du moment dans les prochaines semaines. Souvenez-vous de ce morceau, Lehama & Moore, Distance Between Us. Retour à la rétro avec les Boss Tunes et le morceau My Thing. Reste calé, Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Don't Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Sound System avec à l'instant les Trendsetters et The Search Goes On, sorti en 1996. N'hésite pas à nous appeler 03 20 83 57 57 si tu souhaites connaître toutes les références des morceaux diffusés. Tout à l'heure à partir de midi, tu as un rendez-vous avec Jimmy pour le concept Essential Progress. Jimmy est déjà à la porte avec ses vinyles, je lui ouvre, voilà, en direct. Maintenant place à une production sortie en 1986 que je vous ai diffusée il y a deux semaines. Elle était initialement sortie sur le label Kling Klang Product. Le groupe, forcément, c'est un grand classique, ce sont les Kraftwerk, avec ce repressage vinyle sorti il y a quelques semaines sur un label, une grosse major, c'est le label Warner Bros. Certainement que, vu leur succès, les Kraftwerk ont signé un contrat d'exclusivité avec ce gros label. Donc, Léa Warner a sorti ce vinyle avec le morceau de Telephone Call en version remixée qu'on se redécouvre tout de suite. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. Has been disconnected. We'll be right back. has been disconnected. Galaxy avec à l'instant les Kraftwerk, le morceau Telephone Call en version remixée et repressée, sorti il y a quelques semaines sur le label Warner Bros. Sache que sur le portail web de l'émission, le soundsystem-mix.fr, se déroule actuellement un petit concours de mix qu'on a nommé Spring Contest. C'est une quinzaine de DJ qui ont préparé, qui ont enregistré un set d'une heure spécialement pour le site, dans tous les styles. Donc c'est comme ça qu'on l'a appelé, le Spring Contest. Alors il y avait une règle à respecter, c'était l'obligation pour tous les DJ participants de faire un petit ping-pong entre la rétro et la nouveauté, un petit peu comme le principe de l'émission. Alors à partir de ce week-end, les sets seront mis en ligne sur le portail. Alors un clic, tu télécharges, tu écoutes et surtout dans les prochains jours tu votes pour ton mix et ton DJ préféré. Je vous tiendrai au courant tout au long des prochaines émissions pour savoir qui est à la première, deuxième, troisième place, directement donc sur le site soundsystem-mix.fr. On continue en musique avec un peu de rétro. Tout à l'heure à partir de midi, c'est Jimmy qui s'y colle avec son émission Essential Progress. Et puis on fera un dernier tour d'horizon et des cadeaux à remporter un petit kit vinyle dans quelques secondes. À tout de suite. Galaxy, on s'approche tout doucement de la fin de notre émission 11h58. Tu es calé fréquence 95.30 pour le meilleur de la musique électronique Sound System depuis 10h ce matin. Et tu viens d'écouter cet excellent morceau signé du groupe Sosa avec le titre Wave, remixé par DJ Tauscher. À venir dans quelques secondes, Selvin Rotan pour le morceau Bienvenue en version remixée. Pour te remercier de ta fidélité en fin d'émission, tout de suite 03 20 83 57 57 avec à remporter un kit vinyle pour le 20e. 03 20 83 57 57. J'attends vos appels et dans quelques secondes, c'est Jimmy qui s'y colle au Platine de Galaxy avec son concept Spiritual Choice. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le monde des zones que j'accomble tout au bout du son. Bienvenue sur la piste, bouge sur le son, danse, prime, rime sur mon nom. Répète ce mot, comme ci, comme ça, sur la loi du son qu'on appelle de ci, de là. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la piste, danse, sans le rythme du son qui monte et encomble sans pardon. Danse, danse sans cesse avec richesse et répète comme ci, comme ça, sans haine, sans gêne, comme ci, comme ça. Danse, saute, bouge, comme ci, comme ça. Sound System, on termine notre émission et on vient de passer le cap des midi à l'écoute de Selvin Rotan pour le morceau Bienvenue en version remixée. On fait un dernier tour d'horizon sur les principales soirées marquantes pour ce samedi 26 mai avec du côté du Bliss Club la Malcolm Bay Session avec Malcolm Bay au platine forcément et DJ S6PO. À la bûche, le concept Electroshock avec Frank G et le nouveau concept Jump Electro House Session avec Sniper F et Xian. À l'Eden Bar du côté de Moucron, risquons tout ce soir, special guest avec Michael H de la Team Galaxy. À l'Escape Concept, soirée résident avec Dave, Luc, Kevin et Huggy Anton. À l'âge de Zoo, soirée résident également avec le trio Chris, Johan et Simai. Au Pulse Factory, la soirée spéciale des 4 ans de la Rotation Party avec en guest ce soir les Mystic Force, Tim Davis, Pedro Pecado, David G et puis la team des résidents CP, Michael Forza, Laurent Top et Victor. Tu retrouves toutes ces informations sur www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésite pas à te connecter connecter sur le site web de l'émission soundsystem-mix.fr et viens participer au Spring Contact, le concours de DJ du site. À bientôt samedi prochain, 10h.